Je circule sur une chaussée à double sens, sur laquelle les travaux en cours ne laissent libre qu'une seule voie de circulation. L'employé qui règle le trafic routier à l'aide d'un piquet mobile présente la face verte. Je peux donc passer. À l'autre extrémité du chantier, un autre agent présente l'autre face du piquet mobile, c'est-à-dire un sens interdit. Les usagers venant de face sont tenus de s'arrêter. Réponse